Les lilas blancs d'Amédée Achard. Il arrive souvent que la vie s'arrange comme un vaudeville. La Providence semble y voir moins de part que M. Scribe. Ce sont de petites rencontres, de petits hasards, de petites conversations, des mots, des riens, grâce auxquels il ne manque plus à ces petits événements de tous les jours que des couplets et des ritournelles pour rentrer de plein pied dans le répertoire de quelques petits théâtres. L'histoire finie, mort, mariage, duel, rupture, ruine, séparation, raccommodement ou départ, on demanderait volontiers le nom de l'auteur, comme on le fait au parterre, les soirs où l'on donne une comédie nouvelle. Le théâtre représente un salon élégamment meublé. Trois fenêtres cintrées, ouvrant sur la campagne, découvrent les massifs et les pelouses d'un parc où l'art a ménagé de lointaines perspectives. Derrière des corbeilles de fleurs coquettement arrondies autour d'un large perron, quelques statues mythologiques, Diane, Flore, Pomone, Nymphes et Naïades, coupent de leur blanche nudité le sombre et vert rideau des arbres. Aux deux côtés du théâtre, deux portes parallèles communiquent avec les appartements intérieurs. Il est 10 heures. Un clair soleil d'été rit parmi les feuilles qu'un vent léger caresse. Deux ou trois nuages blancs traversent paresseusement le ciel bleu. On dirait qu'il regrette de quitter un ciel si doux. Par les fenêtres ouvertes, où se joue la mousseline des rideaux, on entend le murmure d'un jet d'eau qui chante dans un bassin. Une femme est assise devant une table, chiffonnant un ouvrage de broderie qu'elle abandonne pour prendre un livre et le feuilleter. Du livre, elle passe à un album qu'elle regarde nonchalamment. Puis elle se lève, va et vient, effleurant les touches d'un piano où ses doigts plus blancs que l'ivoire n'achèvent pas la valse commencée, et s'arrête enfin devant une glace où elle se mire quelques minutes en souriant. L'importance et le charme de cette occupation ne la tiennent pas si longtemps qu'elle n'ait encore le loisir de donner un coup d'œil ou deux à l'arrangement de sa toilette, où les plus tendres couleurs se marient aux formes les plus gracieuses et les mieux choisies. Madame est en robe du matin avec un petit bonnet délicatement jeté sur de magnifiques cheveux bruns. Madame est jeune, souple, fraîche et charmante, avec un je ne sais quoi d'aimable et de gai qui pétille dans ses yeux et sur sa bouche. La pureté de son front et la transparence de sa peau n'accusent pas plus de 23 ou 24 ans. Son sourire est spirituel et fin. Ses mouvements ont cette grâce onctueuse et cette séduction à laquelle les Italiens ont donné le nom de morbidezza. Elle est d'une taille moyenne. Sa tête, où deux yeux pleins de vie jettent de radieuses clartés, est petite. Ses mains sont fluettes, ses pieds mignons. Au moment où ses doigts agiles passaient du corsage à la ceinture, ajustant quelques plis, l'une des portes latérales s'ouvrit et une camériste parut dans le salon. « Qu'est-ce ? » demanda la jeune femme en tournant la tête à demi. « Madame, c'est une lettre que le domestique du général vient d'apporter à cheval. »« À cheval, dis-tu ? C'est donc bien pressé. »« Je ne sais, madame, mais la pauvre bête a le cou blanc d'écume. Donne vite. » Ainsi que la maîtresse, la camériste est jeune. Elle est pimpante comme une grisette, fraîche comme une rose et gaie comme une linotte. Tandis que sa maîtresse lit, elle trotte dans l'appartement, rangeant un vase par-ci, un bouquet par-là, et fredonnant à demi-voix une chanson dont les refrains joyeux s'envolent de sa bouche comme un essaim d'oiseau s'échappe d'un buisson fleuri. La lettre finie, la maîtresse du logis la froissa d'un air boudeur. « Conçoit-on cela ? Dit-elle. « Mon oncle ne reviendra que ce soir, après dîner. Il a été retenu, m'écrit-il, par son vieil ami le général Lambert qui prétend le garder tout le jour. C'était bien la peine de sortir si tôt pour revenir si tard. S'ils se mettent à parler de leur vieille guerre, ils se disputeront et la visite courra le risque de durer jusqu'à demain. » Tandis que la jeune femme parlait, la soubrette s'efforçait de prendre un air bien grave, mais elle n'y réussissait guère et le rire pétillait dans ses yeux. « Ah ! Reprit sa maîtresse, en frappant légèrement du bout du pied. « Ce cher oncle est d'une étourderie. Me laisser seul dans ce château, entre M. de Mareuil et M. de Caussade, deux jeunes gens. » « Deux amoureux, » répondit la soubrette à demi-voix. « C'est ce que je voulais dire, » ajouta coquettement sa maîtresse. « Je suis comme Daniel dans la fosse aux lions, c'est fort dangereux. » « Pour les lions, ces pauvres agneaux. » Madame de Nerf regarda la soubrette du coin de l'œil. « Tu ris toujours, Jacqueline, » reprit-elle, « mais si tu étais dans ma position, veuve à 24 ans, avec une assez belle fortune et une figure qu'on veut bien trouver passable, rien que cela. s'écria Jacqueline en interrompant sa maîtresse. « On ne dit pas tout ce qu'il pense. » Madame de Nerf sourit en se mirant dans une glace. « Eh bien, soit, » reprit-elle. « Mais tout cela fait que j'ai peur. Songe donc que je suis seule contre eux. Heureusement que M. de Mareuil surveille M. de Caussade et que M. de Caussade surveille M. de Mareuil. Cette double rivalité diminue le péril. « Qui se ressemble se gêne, » murmura Jacqueline. « Les as-tu vus ce matin ?»« Non, madame, mais ils sont venus. »« Tu crois ? Regardez ces bouquets. » Deux déclarations fraîchement épanouies, les lilas blancs. C'est M. de Mareuil. Les roses rouges, c'est M. de Caussade. Ils mettent de la constance jusque dans les fleurs. Madame de Nerf se tourna nonchalamment du côté des fleurs exposées fraternellement sur une console, les caressa du regard, les toucha, enflaira les tiges délicates et soupira. « Et tu appelles ça des déclarations ? » dit-elle. « On en trouve de pareilles, et toutes faites, chez toutes les bouquetières de Paris. Dame !» « Madame, une fois ce n'est rien, mais tous les jours, depuis 6 semaines, c'est menaçant. Si vous ne voulez pas que ces fleurs soient une déclaration d'amour, prenez-les pour une déclaration de guerre. »« Lequel crois-tu qui m'aime le plus ? Du maître des requêtes au Conseil d'État ou du conseiller référendaire à la Cour des comptes ? C'est fort délicat. L'un, M. de Caussade, m'a tout l'air de vous parler sans cesse de son amour. Oh, en tout lieu et à toute heure. L'autre, M. de Mareuil m'en parle moins. Et c'est ce qui me fait croire qu'il vous aime mieux. Pourquoi cela ? Demanda vivement Mme de Nerf. Et d'où vient que, me parlant moins de son amour, tu t'imagines qu'il m'aime davantage ? Ma foi, madame, il me semble qu'il en est de l'amour comme de ces vases où l'on met des parfums. Si vous débouchez le vase, le parfum s'en va. Si au contraire vous le fermez, le parfum reste. Et le parfum du cœur, c'est l'amour. Madame de Nerf regarda Jacqueline d'un air tout surpris. « Et pas si mal pour une petite paysanne, » dit-elle tout bas. « Mais vous, madame, sauf votre respect, lequel vous semble le plus aimable ?» Madame de Nerf regarda Jacqueline, le ciel tout bleu, le miroir où souriait son frais visage, les fleurs couchées sur la console, ses petits pieds qui frappaient le tapis, sembla se recueillir, hésita, ouvrit la bouche comme s'il allait parler, s'arrêta, haussa les épaules par un mouvement mignon et soupirant. « Lequel des deux ? Je n'en sais rien, » dit-elle. « Rien du tout ? Vraiment, non. Il y a des jours où tous deux me plaisent également, et des jours où tous deux me lassent également aussi. C'est selon d'où vient le vent. Je m'accommoderai assez de cet état. Mais le terrible est que mon oncle, auquel mes prétendants se sont ouverts, veut que je me décide avant la fin du mois. « Ah, mon Dieu, le général traite l'amour comme les soldats, en avant-marche. »« À peu près. » »« Il dit que tous ses soupirs sans cesse renaissants le fatiguent. »« Que M. de Mareuil et M. de Caussade jouent tout de travers au whist, qu'ils en ont perdu le boire et le manger, et que si je ne veux pas que le Conseil d'État et la Cour des comptes soient atteints et convaincus de folie en leur personne, il faut absolument que je fasse un choix. »« Et lequel choisirez-vous, s'il vous plaît ?» demanda Jacqueline. Madame de Nerf hésita quelques secondes, puis levant la tête d'un petit air délibéré. « Ni l'un ni l'autre, » dit-elle. « Quoi ? Pas plus M. de Mareuil que M. de Caussade ? Est-ce ma faute ? » répondit vivement Madame de Nerf. « Si je choisissais M. de Mareuil, il me semble que je regretterais M. de Caussade. Et si ma pensée s'arrêtait sur M. de Caussade, je craindrais fort de ne pouvoir oublier M. de Mareuil. Ils ont de l'esprit tous deux, on les tient pour des gens d'honneur. Leurs familles se valent. L'un, M. de Mareuil, a parcouru les 4 parties du monde et voyagé comme le juif errant, avec 5 sous. Non, avec un Anglais. L'autre, M. de Caussade, n'a pas quitté Paris et a louvoyé sa vie durant, de la Madeleine aux Champs-Élysées et au boulevard des Italiens à l'Opéra. Ce qui fait qu'ils ont vu les mêmes hommes et qu'ils savent à peu près les mêmes choses. Ils ont 1000 soins, 1000 prévenances, 1000 attentions pour moi. Choisir celui-là, c'est éloigner celui-ci. Et j'avoue que je m'habituerais sans peine à les avoir tous deux dans mon voisinage, occupés du matin au soir à se disputer un cœur qu'ils n'obtiendraient jamais. » Pendant toute cette réplique, Jacqueline avait regardé sa maîtresse de cet air vif et souriant qui lui était particulier. Elle était debout, les bras appuyés sur le dossier d'un fauteuil, la tête penchée et le doigt sur la bouche, imitant sans y penser la pose de ces femmes que Vidal dessine si coquettement. On aurait dit un pinson écoutant une fauvette. « Voilà qui est fort bien, madame, » reprit-elle. mais si par hasard le cœur se mettait de la partie et venait à aimer. « Oh, alors comme alors ?» répondit Madame de Nerf de l'air d'un incrédule à qui l'on parle de miracle. « Mais voilà le difficile. Est-ce qu'on aime ?»« Eh, madame, cela s'est vu. » « Alors qu'il s'arrange. Cela les regarde plus que moi. Je n'y mets pas d'obstacle. Et si l'amour vient, je mènerai le petit bonhomme à l'église. Tout droit, comme ça. C'est mon caractère et le bon Dieu m'a fait ainsi. Quand Monsieur de Nerf m'épousa, je l'avais bien vu 3 fois en tout, y compris le jour de la signature du contrat, et je ne m'en suis pas plus mal trouvé. C'est donc bien vrai que l'amour vous prit tout d'un coup sans crier gare. Et mon Dieu, oui. Un mot que me dit Monsieur de Nerf, je ne sais quoi, me toucha et tout fut dit. Le cœur, vois-tu, est comme ce rocher mystérieux dont parlent les contes arabes. Tous les efforts ne le peuvent briser. Mais dites seulement tout bas, et d'une certaine façon, ces 3 mots, « Sésame, ouvre-toi », et le rocher s'ouvrira tout doucement. Madame de Nerf et Jacqueline en étaient là de leur conversation, lorsqu'un grand bruit de voix se fit entendre dehors. « Pardine, disait l'une de ces voix, puisque madame la comtesse est au salon, je lui parlerai, et un peu plus de rue encore. « Ah, on gronde, donc c'est Pierre, » dit Jacqueline. Il courut ouvrir la porte. Un garde entra, son fusil sur l'épaule et sa casquette à la main. « Eh bien, qu'y a-t-il, mon ami Pierre, et qu'avez-vous à me dire ?» demanda madame de Nerf. « Il y a que je vous apporte ma démission. Elle est là, sur ce papier, et c'est moi qui l'ai rédigée ce matin. » répondit le garde en fouillant dans sa poche. Madame de Nerf se mit à rire. « Votre démission, mon pauvre Pierre. Mais il n'y a que les ministres qui s'adonnent à ces magnificences. Et encore, dit-elle. Ma foi, madame, les gardes-chasse leur font voir qu'ils n'y mettent pas tant de façons. Voici la mienne. Est-ce qu'on t'a mordu, mon garçon ? Demanda Jacqueline. Pierre frappa du pied. Vous aimez à rire, mamselle, reprit-il. Mais moi, je ne plaisante jamais, avec les perdreaux surtout. C'est juste, répondit Jacqueline. Il ne faut pas se compromettre avec ses administrés. Madame de Nerf, qui tenait la démission de Pierre entre ses doigts, lui demande alors quel rapport il y avait entre cette démission et les perdreaux. Le garde répliqua que le gibier s'en allait pièce à pièce, que la terre était dépeuplée, que les gardes, ses voisins, se moquaient de lui, que tout le mal venait des Parisiens invités par le général à passer l'automne au château, que son honneur à lui, Pierre Crépu, était compromis, et que si madame la comtesse ne voulait pas lui permettre d'arrêter quiconque chasserait sur son domaine sans en avoir l'autorisation par écrit, il persistait dans sa démission. « Et voilà mon ultimatum, » ajouta-t-il en saluant. « Ah, mon Dieu, » dit Jacqueline, « tu lis donc les journaux, toi aussi. » « Quelquefois, comme tout le monde. » Madame de Nerf se mit à rire. Elle tenait à ce vieux garde, qui avait tous les défauts et toutes les qualités des anciens serviteurs, beaucoup d'entêtement et beaucoup de probité. « Venez donc, » dit-elle, « je vais vous donner la permission que vous demandez. Avec la signature au bas ?»« Avec la signature. Alors je retire ma démission. » Madame de Nerf se leva et fit signe à Pierre de la suivre. « Ah, » dit-elle en sortirant, « toi, Jacqueline, tu prendras ces fleurs et les porteras dans ma chambre. Aie bien soin de les mettre dans des vases pleins d'eau. » Et elle sortit, laissant Jacqueline seule. Nous allons profiter de ce moment pour dire ce qu'était Madame de Nerf et sa suivante, Jacqueline. Madame de Nerf, comme on l'a vu, était veuve à 24 ans, jolie et riche. Ses amis se plaisaient à la comparer à ces héroïnes qui ont fait pendant plus de 20 ans la fortune du gymnase. Aussi, on ne lui demandait jamais à quand votre mariage, mais bien à quand votre dénouement. Jacqueline, plus jeune qu'Antoinette de 2 ou 3 ans, était à la fois sa camériste et sa confidente. Cette situation assez rare de nos jours, où la domesticité ne fait presque jamais partie de la maison, venait de ce que Jacqueline, orpheline à 3 ans et fille de la fermière qui avait nourri Antoinette, avait été recueillie par la mère de celle-ci, Madame de Bréal, et élevée avec elle. Une grande intimité était sortie de cette éducation en commun et, plus tard, lorsqu'Antoinette se maria, elle voulut que Jacqueline restât à son service. Elle s'était habituée à penser haut devant elle, et comme, petite fille, elle l'avait fait participer à tous ses jeux, devenue femme, elle ne lui cacha rien de ce qu'elle éprouvait. Il faut dire aussi que Jacqueline reconnaissait cette confiance extrême par un dévouement sans bornes et une fidélité à toute épreuve. Elle était auprès d'Antoinette comme Lisette auprès de Sylvia, mais Lisette sans harlequin. L'oncle d'Antoinette, M. de Bréal, voulait qu'elle se remariât. assurant qu'il n'était pas immortel et qu'il n'était pas séant de voir une jeune femme, jolie comme l'était sa nièce, sans appui et sans protecteur dans la vie. Or, il n'en savait pas de meilleur qu'un mari, et c'est pourquoi, depuis le commencement de la saison, il avait invité 100 personnes, tour à tour, à passer quelque temps à son château. « Prends garde, » disait-il quelquefois à sa nièce, en la menaçant du doigt. « Si tu ne te décides pas avant l'hiver, c'est moi qui te ferai la cour, et tu m'épouseras, bon gré mal gré. » De toutes les personnes que le général avait attirées chez lui, M. de Mareuil et M. de Caussade étaient celles qui, par le nom, la position dans le monde et le caractère, lui plaisaient le plus. Il ne leur reprochait rien que de ne pas savoir amener la citadelle à capituler plus vite. « Vous soupirez, vous roucoulez, belle affaire !» leur disait-il. « Il faut mener l'amour comme le prince Murat menait les charges de cavalerie, au grand galop. Ah, si j'étais jeune !» Madame de Nerf était assez séduisante pour être aimée sans le secours d'aucune circonstance extérieure. Mais il est certain que la présence simultanée des deux rivaux leur donnait à l'un comme à l'autre une ardeur et une impatience nouvelles. M. de Mareuil ne voulait pas plus reculer devant M. de Caussade que M. de Caussade ne voulait céder à M. de Mareuil. Mais en gens de cour, ils combattaient à armes courtoises et faisaient fi de ces petites trahisons qui ont cours entre amis intimes quelquefois. Les choses en étaient là le jour où M. de Bréal quitta le château. La démission de Pierre venait d'être retirée, et Jacqueline plongeait les roses rouges et les lilas blancs dans de grands vases du Japon, lorsque M. de Mareuil et M. de Caussade se rencontrèrent au bord d'une pièce d'eau. M. de Caussade était assez mélancolique. M. de Mareuil paraissait rêveur. Ils levèrent tous deux la tête au bruit de leurs pas criant sur le sable. « Ce cher Henri, » dit l'un. « Ce cher Léon, » dit l'autre. Ils échangèrent une poignée de main. Après quoi, tous deux se regardèrent silencieusement. Il semblait que, cela dit, ils n'eussent plus rien à se dire. Une même pensée était au fond de leur cœur. M. de Caussade, Léon, fut le premier qui rompit le silence. « Monsieur de Mareuil, je gage que vous pensez à Madame de Nerf. « Aussi vrai que vous y pensez vous-même, » répondit Henri de Mareuil, qui rougit un peu. « Eh bien, mon cher Henri, » poursuivit Léon, « voulez-vous que je vous parle franchement? Je ne demande pas mieux. Alors je commence par une profession de foi. J'aime Madame de Nerf, et il n'est rien que je ne fasse pour l'obtenir. Pour elle, voilà 6 semaines que je n'ai vu le boulevard des Italiens et respiré l'air des Champs-Élysées. C'est de l'héroïsme. » Henri s'inclina. « Et moi, » dit-il, « pour elle, je vivrai dans une solitude profonde. Je ne vois rien au-dessus du bonheur de lui appartenir. Cet amour est toute ma vie. Je suis déterminé, » ajouta Léon, « à pousser mon exil à la campagne jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la Noël s'il le faut. Moi, je ne calcule pas, je reste, » répliqua Henri. « Le monde dira que je suis empaillé dans une collection de Parisiens, destinée par quelques montreurs de curiosité à l'admiration des peuples étrangers. Et mes amis promettront une récompense honnête à qui me retrouvera. Je m'en moque. Pour moi, le monde est là où est Madame de Nerf. Quant à mes amis, je pense qu'ils m'oublient et je les imite. » « Parlerons-nous de la Cour des comptes ?» demanda Léon en riant. « Pas plus que du Conseil d'État, » se hâta de répondre Henri. « Nous en avons les broderies et c'est assez. Par Dieu, nous voilà donc comme Renaud de Montauban et Sacripant, roi de Circassie, et entre nous, la belle Angélique. C'est de la chevalerie. Pourvu que Médor ne survienne pas. Vous savez, Médor, le troisième larron. » Ne dis donc pas de ces choses-là, s'écria Léon, ça porte malheur. Les deux jeunes gens gardèrent quelques instants le silence. Henri traçait, du bout de sa canne, des hiéroglyphes sur le sable. Léon suivait dans l'eau les évolutions des poissons rouges. Ça, mon cher, reprit-il le premier, en passant son bras sous celui de son ami. « Vous plaît-il que nous nous expliquions sans détour ?»« Volontiers. Je crois même que vous m'en avez fait la proposition une première fois tout à l'heure. Je ne sais si je me trompe, mais j'ai tout lieu de croire que Madame de Nerf ne me voit pas d'un œil trop défavorable. C'est possible, mais convenez du moins que la faveur qu'elle vous accorde ne nuit en rien à l'accueil qu'elle me fait. »« C'est encore vrai, » s'écria Léon en frappant du pied, et brusquement il ajouta, « Il faut que je vous dise une chose, mon cher Renaud. »« Dites, Sacripant. »« Hein ?» fit Léon qui regarda Henri. « Eh !» continua celui-ci. « C'est de la chevalerie, un souvenir de votre comparaison. »« Bon, alors je reprends le fil de ma pensée. »« Le plus clair de tout ceci, c'est que vous me nuisez, comme c'est moi qui vous gêne. Eh bien, la conclusion ? La conclusion est que l'un de nous doit céder la place à l'autre et le maître de la place sera la maîtresse du château. Alors, bon voyage, je ne vous retiens pas. Merci, je reste. Et je vous propose un duel. Un duel ? Répéta Henri. Oh, une bataille inoffensive, quelques jeux que nous jouerons ensemble, le gagnant restera. Monsieur de Mareuil réfléchit quelques moments, puis, comme un homme qui prend son parti brusquement, « Eh bien, soit, aussi bien j'aime autant en finir. » Il ne s'agit donc plus que de trouver un jeu où les chances soient égales. Si l'un de nous a quelque talent spécial, il aura la loyauté d'en avertir son rival. Moi, par exemple, je suis d'une force assez respectable aux échecs. Moi, je ne joue pas mal au billard. Alors supprimons le billard et les échecs. Si nous combattions au whist, non pas. Le résultat du combat dépendrait autant de nos partenaires que de nous. À l'écarté, au piquet, au lance-connais, je ne veux pas de cartes. Le hasard y a trop de part. Alors choisissez vous-même. Que pensez-vous des dames ? Je pense que je n'y entends rien. Et moi je n'ai jamais pu les souffrir. Ce qui fait que nous ne sommes pas plus forts l'un que l'autre. Et parfaitement inhabiles tous les deux. Va donc pour les dames. Il est entendu que le jeu n'aura qu'une partie sans revanche. C'est dit. Monsieur de Mareuil et monsieur de Caussade se donnèrent la main, celui-là soupirant, celui-ci riant, et ils gagnèrent le château pour vider la question au plus vite. Léon avait découvert un vieux damier sous un meuble. Il le prit et le plaça sur un guéridon. « Voilà le champ de bataille et les deux armées sont prêtes, » dit-il en rangeant les disques d'ivoire et d'ébène. « Ainsi, » dit Henri, « celui qui gagne aura la dame. Il aura du moins le champ libre. Commencez. » « C'est singulier comme le cœur me bat, » dit Henri. « Vous hésitez. » « Bon, voilà qui est fait. Le Rubicon est passé. » Ils en étaient là de leur duel lorsque Madame de Nerf rentra. Tous deux la saluèrent gravement. Elle s'approcha, tout étonnée. « Ah mon Dieu, que faites-vous là ? Je croyais une aversion invincible pour ce jeu. »« Aussi, nous ne jouons pas, » dit Léon. « C'est une bataille. Nous sommes comme deux généraux d'armée et nous combattrons jusqu'à ce que mort s'en suive. » Après quoi le mort ira déjeuner. « Bon appétit !» reprit Antoinette en riant. Puis, regardant les deux joueurs qui poussaient leurs dames un peu au hasard, elle arrêta tout à coup la main d'Henri. « Mais vous jouez d'une manière abominable. Prenez cette dame et... »« Non pas, non pas !» s'écria Léon. « Les conseils sont défendus. » « La partie est donc bien sérieuse ?»« Si sérieuse, » répondit Henri, « que le budget n'en paierait pas l'enjeu. Mm-hmm. »« Le budget est cependant un capitaliste assez bien doté. » Mais voyons, ne pourrais-je pas être de moitié dans l'enjeu pour être de moitié dans le bénéfice ? Prenez garde, lui répondit Léon en riant. Vous pourriez bien être toujours de moitié dans la perte. Antoinette suivait du regard les chances du jeu et ne s'arrêta pas à la réponse de Léon. Il lui semblait que M. de Mareuil jouait tout de travers. Messieurs, dit-elle, je me retire. Quand vous aurez fini votre salmigondi, vous m'avertirez. Elle prit une broderie et s'assit. « Ah, dit Henri, ça ne sera pas long. »« Oui, poursuivit Léon, le combat va finir faute de combattants. Je prends. »« Et moi aussi. »« Bon, je continue. Une, deux, trois. »« Quatre, cinq, six. »« Mais c'est un massacre, » dit Antoinette. « J'ai perdu, » dit Henri, et il se leva. Il était un peu pâle et sa voix tremblait. Léon se frottait les mains. Il prit à part M. de Mareuil et l'attirant dans l'embrasure d'une fenêtre. « Vous savez nos conditions. » Je vous donne jusqu'à ce soir, mais demain vous partirez. Je partirai, répondit Henri. Antoinette pencha la tête de leur côté. Qu'avez-vous donc à chuchoter là-bas ? Dit-elle. Est-ce une conspiration ? Hélas, non, madame, répondit M. de Mareuil. Comment hélas ? Eh oui, parce que si je conspirais, je resterais, et je pars. Vous partez, demain matin. Et je demandais à M. de Caussade ses commissions pour la Cour des comptes. Madame de Nerf cassa dans sa broderie l'aiguille qu'elle tenait à la main, et un grand silence se fit entre eux. Un moment après, M. de Caussade s'esquiva sous prétexte d'écrire des lettres. Antoinette rentra chez elle d'un air glacé, et M. de Mareuil s'enfonça dans le parc, où il put tout au moins exhaler sa colère en liberté. Il marchait depuis 2 heures déjà, lorsqu'il se trouva tout à coup devant une porte vitrée qui communiquait de plein pied avec l'appartement de Madame de Nerf, situé au rez-de-chaussée. Les sentiers auxquels les amoureux se confient n'ont jamais de bonne foi, pareils à ces sentiers des forêts enchantées, qui ramenait sans cesse les paladins au castel où quelques magiciens les retenaient en captivité. Quelle que soit leur direction, les petits chemins dans lesquels ils promènent leur rêverie les ramènent toujours au pied de leur divinité. Monsieur de Mareuil, debout devant cette bienheureuse porte, la poussa. Madame de Nerf, qui l'avait entendu venir, était assise dans un grand fauteuil et tenait à la main un livre qu'elle paraissait lire avec une vive attention. Elle ne l'avait pas ouvert depuis plus d'une minute. Il faut dire que Madame de Nerf, depuis que Monsieur de Mareuil avait si inopinément parlé de son départ, n'avait pas cessé de penser à lui, mais pour le trouver odieusement coupable et digne des plus cruels châtiments. « Ah ! » fit-elle au bruit que fit Monsieur de Mareuil en paraissant tout à coup. Ce joli cri d'oiseau effarouché entra dans le cœur de Monsieur de Mareuil. « Je vous dérange peut-être » dit-il en s'arrêtant. « Non, et puisque vous êtes là, entrez. » Madame de Nerf posa sur un meuble le livre qu'elle ne lisait pas. « Je vous croyais occupé de vos préparatifs de départ, » reprit-elle. « Mon Dieu, je venais justement pour vous faire mes adieux. « Ah, mais je croyais que vous ne partiez que demain. »« Non, pas, madame, je pars ce soir. » Monsieur de Mareuil réfléchissait que la présence d'Antoinette, à présent qu'elle était perdue pour lui, serait un supplice au-dessus de ses forces. « Très bien, le temps de me serrer la main et fouette cocher, c'est à merveille. »« Vous m'en voulez ?» dit tristement Monsieur de Mareuil. « Moi, vous en vouloir et pourquoi ? Vous êtes venu, c'est bien. Vous partez, c'est encore bien. On vous a reçu le plus gracieusement qu'on a pu. » Et si je vous ai été de quelque agrément pendant votre séjour ici, c'est au mieux et vous m'envoyez ravi. Peut-être avait-on compté sur vous pour le bal de la semaine prochaine, mais si quelqu'une de ces affaires imprévues qui ne souffrent point de retard et que les hommes tiennent toujours en réserve pour expliquer les choses inexplicables vous appelle subitement à Paris, je ne vous retiens plus. Monsieur de Caussade est là qui cherchera, j'en suis certaine, à remplir la solitude où votre absence va nous laisser, le général et moi. Il ne part pas, lui. » Tout cela fut dit avec une extrême volubilité et de cet air doux et souriant que les femmes savent prendre pour débiter les méchancetés les plus amères et les plus acérées. Henri baissa la tête. Il aurait volontiers mis en poudre le fameux damier, cause première de cette mercuriale, et M. de Caussade avec le damier. « Voyons, » poursuivit Mme de Nerf, « vous me donnez bien une heure. Causons donc. M. de Mareuil est sans doute obligé de se rendre à Paris pour des affaires urgentes et de la plus haute importance. » Aucune, madame. La seule affaire sérieuse que j'ai au monde est ici. Et c'est pourquoi vous partez. Voilà qui est original et logique. Eh, madame, ne vous est-il jamais arrivé de faire le contraire de ce que vous désiriez? Pas souvent, répondit madame de Nerf d'un air de doute. La robe a ses privilèges, mais les pauvres habits ont des servitudes. Moi qui vous parle, j'ai l'habitude de ces départs forcés. Bon, est-ce qu'une fois déjà vous avez mis à la voile quand on me croyait à l'ancre pour un temps? « Hélas, oui, et dans des circonstances qui me rappellent un peu celles où je me trouve à présent. Vraiment, vous allez m'en faire le récit. Vous connaissez Madame Descouy ? Certainement, une blonde qui a des yeux noirs. C'est mon amie intime. Je la vois bien trois fois l'an. Eh bien, j'ai dû l'épouser. Vous, moi-même. Il y a 4 ou 5 ans de cela. Ce mariage était arrangé par les deux familles. Aimiez-vous Madame Descouy ? Demanda Madame de Nerf d'un air tranquille. Mais en le regardant du coin de l'œil. « Je le croyais alors, mais depuis que j'ai pu comparer, je sens bien que je ne l'aimais pas. Hein ? La veille du jour où les bons devaient être publiés, je reçus la visite d'un ami que je n'avais pas vu depuis un mois. Il était un peu pâle. « Je pars, » me dit-il. « Si vous avez des amis aux Indes, je leur porterai de vos nouvelles. » Ce départ subit m'étonna. Je pressai mon ami de questions. Il me raconta alors qu'il avait demandé, le matin même, la main d'une jeune personne qu'il aimait depuis un an. J'attendais pour le faire, me dit-il, le gain d'un procès d'où dépendait ma fortune. Malheureusement, quand je me présentais, la parole du père était engagée. Il est trop tard, me dit-il. Cette réponse me brisa le cœur. Je sens que je ne puis aimer qu'elle, et je vais mettre l'océan entre Émilie et moi. Émilie, le nom de Madame Descouy, interrompit Madame de Nerf. Bien sûr qu'il s'agissait de ma fiancée, poursuivit M. de Mareuil. Et tout ému de la douleur de mon ami, je le priai d'attendre jusqu'au lendemain. Il y consentit. Le soir, j'avais vu le père d'Émilie, à qui je rendais sa parole, et j'écrivis à M. Écouy qu'il pouvait se présenter. « Sois heureux, lui disais-je, moi je pars. » Mais Émilie avait, je crois, 1 million de dot. Oui, mais ce pauvre Fernand était si malheureux. Ce dernier mot, dit sans prétention, toucha Madame de Nerfs. M. de Mareuil, qui pensait à son départ, se laissa gagner par la pente de la conversation et parla en homme qui a plus de cœur qu'il n'en laisse voir et plus d'amour qu'il n'ose en exprimer. Il semblait à Madame de Nerfs qu'elle le voyait et l'entendait pour la première fois. « Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu », a dit La Fontaine. M. de Mareuil était un peu comme l'homme du fabuliste. Il avait l'esprit meublé d'une foule de souvenirs, et l'occasion aidant, il les racontait en bons termes. Le premier effet de cette conversation fut donc d'augmenter le dépit que Madame de Nerfs éprouvait d'un départ dont le motif lui échappait. Elle voulait retenir M. de Mareuil et ne savait comment s'y prendre. « Ah, pensait-elle, si l'occasion se présentait, comme je l'obligerais vite à rester. » L'occasion se présenta, et voici comment. M. de Mareuil soutenait cette thèse que l'amour avait un peu droit de bourgeoisie en tout pays. « Oh, dit Madame de Nerfs, l'amour est comme l'oiseau bleu des contes de fées. Tout le monde en parle et fort peu de gens l'ont vu. Eh, madame, je l'ai rencontré en Turquie. En Turquie aussi. Et de l'espèce la plus délicate, avec des formes qui rappellent les histoires des conteurs arabes. Vous allez me conter ça. Mon Dieu, madame, cela se passe dans un pays extravagant, situé quelque part en Orient, du côté de la Perse. Il arrive quelquefois, dans ce pays-là, qu'une jeune femme est aimée de plusieurs personnes à la fois. Comment, de plusieurs Turcs? Cela se fait donc aussi en Orient? Cela se fait partout. Dans de telles circonstances, il est d'usage que la jeune femme fasse connaître ses sentiments par une cérémonie qu'on appelle là-bas l'épreuve des fleurs. Au jour convenu, elle réunit chez elle tous les ribauds. Elle sort de sa chambre un bouquet de fleurs à la main et passe devant leur troupe alignée. Vous jugez de quels soupirs et de quelles émotions sa marche est accompagnée. Quand elle arrive à celui qu'elle préfère, elle laisse tomber à ses pieds le bouquet de fleurs. L'amant heureux s'en empare et le lendemain, ils sont mariés. « Eh, dit Madame de Nerfs, voilà une scène qui serait charmante à jouer dans un proverbe. Vous plaît-il que nous la répétions ?»« Volontiers. Vous dites tous les ribauds ?»« Tous. 5 ou 6, 7 ou 8, au moins, n'est-ce pas ?»« Autant que vous voudrez. Alors aidez-moi et rangeons ces fauteuils en ligne. » M. de Mareuil se leva et fit ce que lui demandait Madame de Nerfs. « Très bien, dit-elle. Voilà mon escadron en bataille. Vous, mettez-vous là. Vous donnerez plus de vérité à ma mise en scène. Quant à moi, je remplis tout naturellement le rôle de votre jeune oriental. Les bouquets ne manquent pas, j'en ai 2. Les lilas blancs peuvent-ils servir? Très bien. Je les prends donc et me voilà armé en guerre. Maintenant, laissez-moi sortir de mon appartement. Je baisse les yeux et passe en revue le régiment. » Tout en parlant et souriant un peu, malgré elle, Madame de Nerfs, ses fleurs à la main, marchait le long des chaises. Quand elle fut arrivée devant Henri, elle laissa tomber les lilas. « Est-ce bien cela ? » dit-elle, toute rouge. « Parfaitement, » répondit M. de Mareuil, et il se baissa pour ramasser le bouquet qu'il voulait rendre à Madame de Nerfs. « Non pas, » dit-elle vivement, « je ne reprends jamais ce que j'ai donné. » Et achevant ces quelques mots, elle se sauva en courant. Ce qui se passe alors dans le cœur d'Henri se devine plus aisément qu'on ne l'explique. Il n'osait croire à son bonheur, et cependant, il en tenait la preuve embaumée entre les mains. Dans le premier élan de son ivresse, il oublia tout naturellement la promesse qu'il avait faite à M. de Caussade et ne songea plus qu'à rejoindre Mme de Nerfs pour profiter de si bonnes dispositions et mettre toute sa vie à ses pieds. Malheureusement, M. de Mareuil rencontra M. de Caussade, qui lui demanda la cause de cette grande hâte où il le surprenait et de cet air de contentement extraordinaire qui brillait sur son visage. M. de Mareuil le lui apprit. M. de Caussade fronça les sourcils et, coupant court au flot d'enthousiasme qui débordait des lèvres de son rival, il lui rappela très brutalement l'engagement formel qui avait suivi la partie de dame. Henri se réveilla comme d'un rêve. Il voulut résister et se carpa comme un cheval qui refuse de franchir un mur contre lequel on le pousse. Mais Léon insista, rappela la parole donnée et termina d'un mot la discussion. « Si j'avais perdu, dit-il, je paierais. » Il fallut céder. « Mais comment faire ? Dit Henri. Rien n'est plus facile, reprit Léon. Vous restez ce soir, pour éviter toute explication, et demain, au petit jour, vous prendrez votre fusil. Il est cassé. Je vous prêterai le mien. Vous sortirez du château comme si vous alliez à la chasse, et vous vous dirigez discrètement vers la prochaine station du chemin de fer, où le premier convoi vous ramènera à Paris. Les choses ainsi réglées, on se retrouva à l'heure du dîner. Mais tout le monde y fut gêné. Madame de Nerfs, qui s'attendait à voir la joie briller dans les yeux de M. de Mareuil, fut tout étonné de son silence et de ses airs embarrassés. Monsieur de Caussade s'efforçait d'égayer la conversation, mais n'y parvenait pas. Henri, de son côté, cherchait un moyen de sortir de cette position difficile, et n'en trouvant point, donnait au diable son rival. Monsieur de Bréal, qui était revenu dans la soirée de chez son ami le général Lambert, était fatigué, et son humeur se ressentait des longues disputes qu'il avait eues sur la retraite de Moscou et la campagne de 1813. Vers 9 heures, monsieur de Mareuil prit prétexte d'un violent mal de tête pour rentrer chez lui. Il ne pouvait soutenir la présence et la conversation de monsieur de Caussade, et volontiers il aurait cherché querelle pour avoir un motif de lui casser la tête. Antoinette était fort irritée contre monsieur de Mareuil, dont la conduite lui semblait tout au moins inexplicable. Mais au travers de cette irritation, elle pressentait quelque chose dont il lui était impossible de se rendre compte exact. Ce qu'elle ne pouvait pas deviner, Jacqueline le lui expliqua. Monsieur de Mareuil avait un valet de chambre, espèce de frontin en habit noir qui n'aurait pas pu mettre le doigt dans un bénitier sans se brûler les mains. Ce mauvais drôle, qui avait la mine béate d'un sacristain, savait tous les secrets de son maître. Il ne lui fut donc pas difficile de pénétrer la cause de l'humeur noire où il le voyait. Mais comme, depuis 6 semaines, son cœur était tenu en laisse par les yeux noirs de Jacqueline, le secret de monsieur de Mareuil passa tout droit dans l'oreille de la soubrette qui s'empressa de tout raconter à madame de Nerf. « Ah, c'était donc un pari !» s'écria-t-elle, et voilà la cause de ce beau silence et de ce départ si brusque. Monsieur Caussade se fait une arme d'une parole donnée étourdiment et lutte contre moi. Le conseil d'État sera destitué. Et d'abord, Jacqueline, fais monter ici maître Pierre, le garde, j'ai un ordre à lui donner. Le garde arriva. Qu'y a-t-il pour votre service, madame ? Dit-il. Il n'y a que demain, au point du jour, un des hôtes du château, monsieur de Mareuil, doit partir pour la chasse. Je le connais. Bien. Vous sortirez tout doucement derrière lui, et quand il sera en pleine, vous l'arrêterez. « Il braconne donc, je m'en doutais. »« Oui. »« Oh, vous serez contente. Demain, je vous l'amène, mort ou vif. »« Eh, hey, Pierre, mon ami, plutôt vif que mort, » dit Jacqueline en riant. Le lendemain, dans la matinée, madame de Nerf et monsieur de Caussade causaient sur la terrasse du château. Madame de Nerf brodait et monsieur de Caussade, maître du terrain, faisait la roue comme un paon. Antoinette avait l'œil sur l'aiguille, mais son esprit battait la campagne avec Pierre et monsieur de Mareuil. « Vous travaillerez donc toujours, comme Pénélope ?» dit Léon. « Ah, permettez, » répondit Antoinette. « Pénélope attendait Ulysse, et moi je n'attends personne. » « C'est bien ce qui me désole, car enfin Pénélope avait un prétexte à sa fidélité, et vous n'en avez point à votre veuvage. »« Mais quand je pratiquerai le veuvage pour le veuvage, où serait le mal ? C'est de l'art pour l'art, comme disent les poètes. »« Quoi ? Vraiment ? Ne vous résignerez-vous donc jamais à faire le bonheur de quelqu'un ? Oh ! Jamais, jamais ce serait beaucoup de constance pour une Parisienne. Je ne pousse pas la vertu jusqu'à cet excès de fanatisme. On peut donc espérer encore ? Oh, on peut espérer toujours. Il y a la chanson de Phyllis, vous savez. Belle Phyllis, on désespère. Voilà bien de nos Amadis. Parce qu'on ne capitule pas dès la première sommation, ils prennent la fuite. Vous faites donc un grand bien cas de votre temps que vous ne sachiez pas en prendre une parcelle. « Ah, madame, ma vie, mes jours, tout est à vous. Prenez garde. Si vous offrez tant de choses, je ne vous croirai plus. Là, voyons, si je vous demandais seulement de vous soumettre à mon premier caprice, y consentiriez-vous, avec joie ? Vous me le promettez, je vous le jure. Si je vous mettais à l'épreuve, essayez. Eh bien, soit. J'en veux faire l'expérience aujourd'hui même. S'il me passe par la tête quelque extravagance, vous vous engagez à m'obéir sans raisonner, est-ce convenu ? C'est dit, et l'épreuve faite, j'aurai encore à vous remercier. Ce maribaudage durait encore lorsque tout à coup Pierre parut sur la terrasse conduisant M. de Mareuil. À sa vue, M. de Caussade se leva. « Quoi ? Vous, ici ? » s'écria-t-il malgré lui. « Ah, ce n'est pas ma faute, demandez à Pierre !» répondit M. de Mareuil qui salua Mme de Nerf. Monsieur est mon prisonnier. » dit Pierre avec dignité. Je l'ai rencontré un fusil sur l'épaule et je l'ai arrêté. Par exemple, je dois rendre justice à monsieur. Quand il a su que je le ramenais au château, il m'a suivi tout courant. On aurait dit que c'était lui qui me conduisait. Suivi, suivi, il fallait passer outre, reprit Léon. Ah, monsieur de Caussade, vous êtes fonctionnaire public et vous prêchez la résistance à l'autorité. Pierre a des ordres. « Oui, que j'en ai, » ajouta le garde. « Arrêtez quiconque chassera sans permission, » m'a dit madame. « Et j'ai arrêté, monsieur. » « Mais il ne chassait pas. »« Il avait un fusil, » continua Pierre. « Le vôtre, mon ami, le vôtre, » poursuivit monsieur de Mareuil. Madame Denner écoutait cette conversation, le sourire aux lèvres, le coude sur une table et la tête dans sa main. « Mais, » dit-elle alors, « il me semble, monsieur de Caussade, que vous tenez singulièrement à ce que votre ami, monsieur de Mareuil, ne reste pas ici. Pourquoi donc, s'il vous plaît ?» Léon hésita et rougit très fort, puis tout à coup, « Au fait, madame, » dit-il, « mieux vaut que vous sachiez la vérité tout entière. »« Ah, il y a donc une vérité, une grosse vérité, et vous serez juge. »« Soit. » Madame Denner congédia Pierre. « Monsieur de Mareuil est prisonnier de guerre, je réponds de lui, » dit-elle, puis se tournant vers monsieur de Caussade. « Puisque je préside les débats, commencez, monsieur, j'écoute. »« Madame, » répliqua Léon, « vous souvient-il de cette partie de dame que nous avons jouée, monsieur de Mareuil et moi ?»« Et si mal jouée, oui. »« Monsieur de Mareuil a perdu, est-ce vrai ?»« Hélas, » dit Henri. « Perdant, il devait quitter le château sur le champ et n'y revenir jamais. » « Ah, » dit madame Denner, « vous déclariez le blocus autour de moi. J'étais donc intéressé dans cette partie de dame ?» Henri regarda timidement Antoinette et soupira. « Là n'est pas la question, » interrompit monsieur de Caussade. « Monsieur de Mareuil a-t-il tenu sa promesse ? Évidemment non, puisqu'il est là. » Madame Denner prit un grand air sérieux. « Permettez, » dit-elle, « avant de prononcer le jugement, le tribunal demande à être éclairé. « Monsieur de Mareuil, l'inculpé, avait-il engagé sa parole ?»« Certainement, » répliqua Léon. Antoinette s'inclina. « Alors, monsieur de Caussade a raison, » dit-elle. « Quoi, madame, vous aussi ?» s'écria monsieur de Mareuil. « Une dette de jeu est sacrée. Il le faut et je rédige l'arrêt. Considérant que monsieur de Mareuil, ici présent, a parié, qu'il a perdu et qu'il doit payer, considérant en outre que la clause est exécutoire à bref délai, ordonnons, comme dit la Gazette des tribunaux, que monsieur de Mareuil quittera le château sur l'heure et sans appel. « Bravo !» s'écria Lyon. « Mais, madame, » objecta timidement Henri, « sans protester contre la rigueur de votre arrêt, je vous ferai observer qu'il y a un procès-verbal en bonne et due forme pour délit de chasse. Je suis prisonnier, c'est une circonstance atténuante. »« On vous rendra la liberté, » dit Léon. « Non pas, » répliqua madame Denner, « si je défends les droits de monsieur de Caussade, « je maintiens ceux du garde. Monsieur de Mareuil ira chez le maire de la commune et rendra compte de son délit. Mais afin que la route ne lui paraisse pas trop longue, nous l'accompagnerons, le général et moi. Monsieur de Caussade viendra avec nous. »« Moi, » dit Léon, un peu inquiet déjà de la tournure que prenait l'entretien. « Oui, vous. Le cocher est un peu malade. Vous maniez les rênes mieux que les dames, je crois. Vous nous conduirez. » « Monsieur de Mareuil dans la calèche près de vous, moi dehors, sur le siège, ah, par exemple. » « Et vos promesses, monsieur, ces promesses solennelles d'obéir aveuglément à mon premier caprice, vous les oubliez déjà. Le drapeau levé, voilà que vous désertez. » Jacqueline, qui était avertie par madame Denner et qui se tenait au guet, entra alors sur un signe que lui fit sa maîtresse. « Madame, dit-elle gravement, la voiture est attelée. »« Mais c'est une trahison, » s'écria monsieur de Caussade. « Jacqueline, vous allez chercher deux objets dont ces messieurs ont besoin, » reprit madame Denner. Sans s'arrêter à l'exclamation de monsieur de Caussade. « Un bouquet de lilas blanc pour monsieur de Mareuil et un fouet pour monsieur de Caussade. Il les faut tous deux pour terminer aujourd'hui le proverbe que j'ai commencé hier. » À ces mots, Léon, à qui Henri avait raconté l'histoire du bouquet, comprit qu'il n'avait plus rien à espérer. « Allons, » dit-il, « je suis vaincu et c'est moi qui pars. » Jacqueline revint en courant avec les lilas et le fouet. « Voilà, monsieur, » dit-elle, « les chevaux piaffent. » Monsieur de Caussade prit le fouet en riant. « Donnez, » dit-il, « je prétends conduire mon propre deuil. » Madame Denner et monsieur de Mareuil marchaient au bras l'un de l'autre. Ce qu'ils se disaient, on le comprend sans peine. Tandis que monsieur de Caussade faisait claquer son fouet, Jacqueline, qui avait une envie folle de rire, s'approcha de lui. « Dites donc, monsieur, » dit-elle, « il me semble que vous avez joué à qui gagne père. » « Eh, ma chère, » répondit Léon, « j'ai joué aux dames. » Elles m'ont trompé, c'est tout simple. Ainsi s'achève Les Lilas Blancs d'Amédée Achard.